les points crispés devant le char. Intrépide et rapide et par l'esprit d'un revansard. J'ai rien à fébrile, j'avance sous les jambes sarges. Je m'en tape, n'attends pas de moi que je m'en fasse. Je suis là, les mains vides devant le char. Intrépide et limpide, sans l'esprit de revanchard. J'ai rien d'incrédible, j'avance sous le vent chasse. Et le temps passe, je n'attends pas que les gens me fassent. Ouais, j'en fais la promesse, je ferai honneur à ma sœur et sa fille. Mes amis, ma mère malade qui combat la fatigue. Ouais, c'est ma vie, moi j'examine et c'est pas si facile. Quand je vois la famine qui extermine des familles si fragiles. Tu voulais quoi, que je m'arrête là et que je ferme les yeux? Que je baisse les bras et que je te dise qu'on ne peut pas faire mieux. Je suis pas croyant mais j'ai tant de respect envers les cieux. Ils me protègent pendant que les hommes souhaitaient m'enfermer eux. Moi, je parle bien et j'aurais parlé peu. C'est l'incendie mais je ne répondrai jamais par le feu. Le vice et la vertu, je suis celui qui sépare les deux. Même les grands rêveurs n'auront pas fait le quart de mes vœux. Tu me verras pas me soumettre à l'aspect de la mode. J'ai le bien-être, je répandrai la paix dans le monde. Soif de savoir pourquoi les gens pleurent de la rencontre. Et je me rends compte que beaucoup vont pleurer dans leur tombe. Ou devant celle d'un proche qui aura pris un peu d'avance. Moi je désire avoir appris le nécessaire à temps. Et je me promène sur la voie rapide de la sagesse. C'est proprement que je progresse, que tous mes projets naissent. Mais fermez-la, ne voyez-vous pas que tout dégénère. Tout est à refaire et je représente l'espoir de la jeunesse. Je sais où je vais et qui je suis, je les laisse croire. Depuis le 15 du 6-84, mon histoire est née. Moi, je suis là, les mains vides devant le char. Intrépide et limpide, sans l'esprit de revanchard. J'ai rien d'incrédible, j'avance sous le vent chasse. Et le temps passe, je n'attends pas que les gens me fassent. Moi, je suis là, les points crispés devant le char. Intrépide et rapide, et par l'esprit d'un revanchard. J'ai rien à fébrile, j'avance sous les jambes sarges. Je m'en tape, n'attends pas de moi que je m'en fasse. Alex, j'ai des revanches à prendre, ça je te l'avoue. Je vais pas te le cacher, j'ai pris pas mal de sales coups. Je risque de gâcher ton thème. J'suis pas calme intérieurement, y'a que la façade qui paraît mondaine. J'suis face à l'ineffaçable, c'est implacable et c'est fatal. Parce que cette life est indécrassable. Crois-tu vraiment pouvoir changer la face du monde? Que nul ne l'a tenté avant toi dans l'histoire du songe. Tu vois, tu n'es qu'une ombre et tu le resteras. Tu te trompes si tu penses en avoir plus dans l'estomac. Y'aura toujours des traîtres, des forces de l'ordre, des merdes et des guerres faites aux portes de l'or. Tu rêves si t'espères qu'ils s'efforcent de l'éclore. Car tu loges sur une terre qui ne respecte que les morts. Parmi les hommes, la paix m'a aimé. Je les vois depuis le 14 du 10, 80 où mon histoire est née. Je suis là, les points crispés devant le char. Intrépide et rapide et par l'esprit d'un revanchard. J'ai rien à fébrile, j'avance sous les jambes sarges. Je m'en tape, n'attends pas de moi que je m'en fasse. Moi, je suis là, les mains vides devant le char. Intrépide et limpide, sans l'esprit de revanchard. J'ai rien d'incrédible, j'avance sous le vent chasse. Et le temps passe, je n'attends pas que les gens me fassent. Moi, je suis là, les points crispés devant le char. Intrépide et rapide et par l'esprit d'un revanchard. J'ai rien à fébrile, j'avance sous les jambes sarges. Je m'en tape, n'attends pas de moi que je m'en fasse. Moi, je suis là, les mains vides devant le char. Intrépide et limpide, sans l'esprit de revanchard. J'ai rien d'incrédible, j'avance sous le vent chasse. Et le temps passe, je n'attends pas que les gens me fassent.